Alors, il est environ 18h et vous écoutez CKRL au 89.1. Je dis environ 18h parce qu'on n'est pas à quelques poignées de secondes près, mais certains mesurent le temps avec une extrême précision et suivent l'heure à la seconde près. En 2015, l'année durera une seconde de plus qu'en 2014. Pourquoi? Ben, c'est ce que va nous expliquer Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, le 30 juin prochain, les horloges de la Terre entière vont tiquer une seconde de plus que d'habitude, donc à 23h59 et 59 secondes, avant de passer à minuit, le 1er juillet, on va marquer la 60e seconde. Et on appelle cette seconde intercalaire. C'est ajouté par convention certaines années au temps universel en raison de l'allongement de la durée du jour terrestre. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on fait ça. Effectivement. En fait, pour compléter son tour autour du Soleil, notre planète, en fait, ne met pas exactement 365 jours, mais un peu plus. Et pourquoi? Ben, c'est que tous les 4 ans, aux années bissextiles, on comble ce décalage-là par l'ajout d'un jour supplémentaire, le 29 février. Mais c'est pas suffisant pour compenser le décalage. Historiquement, la mesure du temps était calée sur l'alternance des jours, soit le temps que la Terre met pour faire un tour sur elle-même. On divisait cette période-là en 24 heures et chaque heure contenait 60 minutes, 60 secondes. Mais comme la vitesse de la rotation de la Terre est pas constante, comme je vais vous le démontrer, on a dû réfléchir à une méthode de compensation. Tous les 3 ans environ, depuis 1972, la seconde intercalaire est introduite soit le 31 décembre ou le 30 juin. Et c'est l'autorité compétente en matière de temps universel qu'on appelle le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence, basé à l'Observatoire de Paris, qui en ordonne l'ajout 6 mois à l'avance pour permettre à chaque pays de s'adapter en temps et en heure. Mais Mélanie, concrètement, en fait, qu'est-ce qui justifie cet ajout? Ben, ça sert à rapprocher le temps conventionnel du temps universel. Là, je vais vous expliquer c'est quoi la différence, là. Parce que il faut savoir que le temps de référence utilisé sur Terre, le temps conventionnel, est pas identique au temps universel. Le temps conventionnel est le système de référence qui est artificiel, qui est utilisé par nous pour se synchroniser. Et le temps universel est donné par la rotation de la Terre autour du Soleil. Or là, ce mouvement de rotation, ben, il est perturbé par plein de phénomènes naturels. Qu'on parle de régime des vents autour du globe, les courants qui circulent dans le noyau terrestre, en passant même par l'effet de la gravité qui est exercée par la Lune et par le Soleil autour lui-même sur notre planète. Alors, la rotation de la Terre ralentit progressivement à cause de cette gravité, mais elle s'accélère par moments sous l'effet des fluctuations du vent ou du noyau terrestre. Et quelles en sont les conséquences de tout ça? Eh bien, le temps universel, on peut dire qu'il est fort peu régulier. Et même si c'est que de manière très imperceptible, ben la durée du jour n'est pas constante à 100% tout au long de l'année. Donc en février, la Terre tourne sur elle-même un peu plus lentement qu'en août. Et ça nous donne des journées d'une à deux millisecondes plus longues. J'imagine, alors qu'il a fallu prendre pour référence une mesure invariable, plus ou moins fiable, en fait plus fiable, mais laquelle? Ben celle des horloges atomiques, en fait, qui a été développée à partir des années 50. Et elle permet de mesurer le temps avec une précision 1 million de fois plus grande que les horloges astronomiques. C'est ainsi que, ben, on a décidé d'utiliser cette méthode-là parce que, là, une seconde vaut 1/86 400 de la journée du jour solaire. C'est un peu difficile à retenir. Mais depuis 1967, la convention a changé en faveur de l'atome. Donc, la seconde se définit à l'aide d'une onde électromagnétique, qui est absorbée par un atome de césium-133. Bon, ça paraît très compliqué, mais il suffit juste de retenir que la définition de la seconde, eh bien, elle repose sur une propriété physique fondamentale de la matière et ça fournit une référence intemporelle et universelle pour découper le temps. C'est ça, et qui ne change jamais. Exactement. Là, c'est ça. Donc, en 1972, le temps atomique, c'est devenu l'étalon de base pour établir le temps conventionnel. Et à l'aide d'un réseau de centaines d'horloges atomiques, ben, les gardiens du temps donnent l'heure à la planète entière depuis les quartiers généraux du Bureau international des poids et des mesures qui est pas loin de Paris. Cependant, pour pas trop s'écarter du temps universel qui rythme les journées sur la Terre, la convention stipule que l'écart entre le temps conventionnel et le temps universel ne doit pas dépasser 0,9 secondes. Donc, tous les 3 ans environ, là, il faut ajouter une seconde au temps conventionnel. Mais cette seconde de plus, elle passe pas partout comme une lettre à la poste. Parfois, c'est très compliqué de mettre en œuvre, surtout dans notre société technologique d'aujourd'hui. Est-ce que ça cause des problèmes? Oui, entre autres, les appareils de navigation et les réseaux informatiques, c'est un peu un casse-tête pour eux. Okay. Pour certaines applications, par exemple, ça pose ce décalage-là pose vraiment un gros problème. Par exemple, une seconde, ben, ça représente 500 mètres de différence au niveau de l'équateur pour un navigateur qui s'orienterait, par exemple, avec les étoiles. Uh-huh. Donc, 500 mètres, c'est quand même assez important. Mais là, à l'heure du GPS, ce problème peut peut-être paraître désuet, mais en 1972, c'était fondamental. Ces deux échelles ont donc été harmonisées dans le temps universel. Et dans ce référentiel, les secondes qui s'écoulent sont atomiques, mais on ajoute périodiquement des secondes intercalaires pour rester le plus près possible du temps astronomique. Uh-huh. C'est la raison pour laquelle les horloges, ben, ils vont donner une seconde de plus le 30 juin prochain. Parce qu'on est dû, parce qu'on dépasse le 0.9 Exactement. Secondes, c'est ça. Oui, le décalage serait de plus que 0.9 secondes. C'est ça. Bon, alors, c'est donc pas un changement anodin, même s'il s'agit à peine d'une seconde. Ben, à l'heure d'Internet et des échanges numériques, c'est vraiment pas anodin. Je vais vous donner d'autres exemples. En 2012, c'est la dernière fois où il y a eu une seconde intercalaire qui a été ajoutée. Ben, ça a causé plusieurs pannes informatiques, ben, notamment les serveurs de Mozilla, le site de Foursquare, le site de Reddit, même le site de LinkedIn. Et les serveurs ont temporairement un peu tombé en panne, si on peut dire, parce que cette année-là, les ingénieurs en informatique du monde entier, là, ils s'en arrachaient les cheveux, là, parce que là, une seconde de plus, c'est compliqué. Et depuis 1972, le procédé a été appliqué quand même 25 fois. Et à chaque fois, ça a occasionné souvent des effets assez regrettables, ben, surtout depuis l'explosion d'Internet. Mm-hmm. Et pour éviter de trop souffrir de cette épine dans le pied, si on peut dire, ben, les géants du net, ben, il faut qu'ils essaient d'improviser sur des solutions. Par exemple, Google, dont l'ingénieur a décrit un subterfuge qui consiste en fait à retarder les horloges d'une seconde en fin de journée pour compenser cet embarras saut dans le temps. Il le fait un peu à l'avance, si on peut dire. Et il a aussi envisagé de diviser cette seconde-là en millisecondes qu'on va parsemer un peu dans le système là, de temps en temps avant la date fatidique pour que ça soit comme un peu plus imperceptible et que ça passe plus facilement dans le système. C'est un fait. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais est-ce qu'il existerait aussi une alternative à ce procédé? Ben, il est déjà question d'abandonner ce système. D'ailleurs, la prochaine conférence internationale des télécommunications qui va avoir lieu à Genève en novembre prochain, mais on commence déjà à se demander si c'est pertinent dû de tous les problèmes informatiques. Donc, nous pourrons peut-être bien vivre en juin la dernière seconde intercalaire de toute l'histoire. Mais il faudrait par contre trouver une solution alternative solide. Pour l'instant, on semble pas en avoir une. Parce que là, si on laisse progressivement le temps conventionnel s'écarter du temps universel, ben le siècle prochain, on aura peut-être un écart d'une minute. Mais à long terme, là, ça, on pourrait parler de plusieurs heures. Là. Est-ce que midi va sonner à 14 heures? Là? Ça mm-hmm. pourrait être quelque chose comme ça. Ouais, ça donc, le verdict va être au mois de novembre, là, lors de la convention que je vous parlais, qui va se tenir à Genève, si on continue encore de faire ce système-là et que les informaticiens vont continuer de se casser la tête ou si on opte pour quelque chose de nouveau. Uh-huh. Alors, qui l'eût cru qu'une petite seconde soit à l'agenda d'une conférence internationale? C'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Mélanie Jean. C'est un plaisir. Très intéressant. Alors, on passe en pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on parle de l'addiction aux jeux vidéo avec Adèle Mazurek.